quoi de plus solitaire qu'avoir le destin comme père, le mal comme compère. Quoi faire à part se taire quand la mort guette sur l'asphalte, les pieds sur terre, les yeux rivés sur les autres quand tu rentrais. Moi j'étais au même endroit fixé, la tête dans les étoiles. Et fallait la voir cette putain de voile réelle que faisait ma vie la principale. Celle qui se trouve dans la rue, hélas la spirale. Celle qui te mène vers le gouffre ou droit vers l'univers carcéral. Où les gosses perdent, où la plupart des âmes souffrent, où les lames souffrent, où on prouve que seule la force te couvre et que les faibles crèvent. Dans ce milieu fallait pas être prêt mais déterminé et sans trêve. Quand ils rentraient chez eux, je trouvais qu'ils trahissaient la cause. Ouais, pour moi y'avait pas de pause, on était là, fallait occuper le terrain. Quand ils rentraient chez eux, la force virait à la haine. Celle qui cerne, berne, les proies ternes qui se perdaient dans nos ruelles. Où règne le cruel, le ring des duels, le truc habituel. Sauf que là on voulait surtout pas que nos cœurs se gèlent, mamzelle. Malgré tout, on vivait peut-être mieux que ce qu'avait tout. On riait au maximum, sachant qu'on avançait dans le flou. C'était le but, pas crever, vivre. Dire qu'on existe même ivre, ma main libre, livre ma fibre. Quand nos cœurs vibrent, cible la même chose gros. Ma passion la zig, hey. L'émotion chez nous, ça a jamais été basique. Quand ils rentraient chez eux, j'avais toujours de côté une petite larme. Le fait d'avoir grandi sans père ni mère m'a fait écouler trop de grammes. Toujours de ceux qui restaient au sol coulé dans des corps comme ces bancs, devant l'océan béant. 100 fois le monde furfait, rêve conquérant. Les pieds dedans, on luttait vaillamment. À l'heure où les autres rentraient, les survivants erraient dehors, cherchant la clé des champs. Les nuages chevauchant, à l'espoir s'accrochant. Et malgré ça, on riait fréquemment. Sous le lampadaire, ça chambrait méchamment. Inconscient peut-être alors que déjà du son, nous étions les amants. Le principal souci, c'était pas de manger décemment. Je rentrais doucement, à cette heure tardive. Quand le soleil chassait la nuit, rempli d'exploits dans cette jungle. Tous les jours chassait l'ennui sur les marches. Les heures sur le derche, blottis sur une seule barre de métal. Misère mentale, 10 balles en poche avec une Marlboro Light. Moi je chiale pas, je relate. C'était pas le ghetto, mais que pouvais-je espérer de mieux. En quittant le domicile de mon père si tôt, ma mère croyait que je traînais dans le métro, faisant la manche. Mais je comptais les minutes à ma montre, et tous ces putains de jours c'était dimanche. Comme quand je retirais l'huile sur mes lèvres de mon verre de manche, regrettant les repas de menthe quand j'étais môme devant mon verre de menthe. Ouais, timide, facilement verre de honte, cette hermante. C'est bête comme on en arrive à haïr ces petits cons pleins de chance. Quand ils rentraient chez eux, l'assiette fumait à la maison. Je fumais des bongs à des raisons. Dernier con, restait assis sur le banc, présent chaque saison. Rime magistrale, forgée là où l'homme se forge. Affrontant le froid glacial, en parcale et nuit de Mistral. La tête dans les étoiles, mes écouteurs crachaient le son de Marley Marl. Je voulais me faire la malle, sentiment posé sur un carnet sale. A force de lire, je compris que Dieu n'a d'égal. J'étais dans le noir et savoir que personne tendrait la main pour m'en sortir m'a fait mal. Quand il rentrait sur le palier, les sans soucis écrasent, je suis resté là à subir. Jusqu'à ce que mon propre thorax m'écrase. Comme quoi, le silence de la douleur est parfois bien plus fort que le bruit de la rage. Toujours de ceux qui restaient au sol collé, dans le décor comme ces bancs. Maître séance, trottoir à vue de naître, un nombre d'MC conséquent. Une grappe de persistants, peu à peu se forgeant. À l'heure où doivent patienter, leur repas se réchauffant. Nous on parlait au vent, les nuages chevauchant. L'estomac rugissant, la musique nourrissant. Nos rêves stressants vers le firmament. C'est pas qu'on voulait fuir maman, de ce truc on y tenait fermement. Ça nous a fait grandir, patiemment mûrir. L'envie de dire, commencer à se languir. Toujours de ceux qui restaient au sol collé, dans le décor comme ces bancs. Devant l'océan béant, 100 fois le monde furfait, rêve conquérant. Les pieds dedans, on luttait vaillamment. À l'heure où les autres rentraient, les survivants erraient dehors, cherchant la clé des champs. Les nuages chevauchant, à l'espoir s'accrochant. Et malgré ça, on riait fréquemment. Sous le lampadaire, ça chambrait méchamment. Inconscient peut-être alors que déjà du son, nous étions les amants. Le principal souci, c'était pas de manger décemment. Yeah.